Jouer le 13 novembre, c'est-à-dire mardi à 20h au Chapeau Rouge. Et c'est un solo. Bonjour. Voilà, c'est ça. Alors le titre entier, c'est Déprime, essai en danse et en mots. Ah d'accord, pardon, j'ai oublié, excusez-moi, je l'avais mal noté. En un premier temps, je vais peut-être vous demander de nous parler de votre parcours de danseuse et de comédienne, puisque vous alliez les deux dans le jeu. Oui, alors moi j'ai au départ un parcours en danse contemporaine. Mmh. Voilà, j'ai fait ma formation ce qui s'appelait à l'époque le Centre de Développement Chorégraphique, le CDC, l'actuelle Place de la Danse. Mmh. Ensuite j'ai fait aussi une formation de diplôme d'État parce que j'enseigne par ailleurs dans différents endroits, l'espace Saint-Cyprien, dans différents lieux. Et puis ensuite j'ai fait des